ne tirez pas sur l'ambulance. La Côte d'Ivoire est blessée. Ne tirez pas sur l'ambulance. La Côte d'Ivoire est touchée. Aïe, aïe, aïe. Ma Côte d'Ivoire, je t'aime. Ma Côte d'Ivoire, je t'aime. Ma Côte d'Ivoire, je t'aime. Ma Côte d'Ivoire, je t'aime. Tu sais bien que tôt ou tard, un jour nouveau se lèvera. L'arc-en-ciel reviendra. Maman, je prendrai soin de toi. Tu n'aurais dû jamais récolter la tempête. Non. Toi qui n'as jamais aimé le vent. Après la pluie, le beau temps. La paix pour tes enfants. Ne tirez pas sur l'ambulance. La Côte d'Ivoire est blessée. Ne tirez pas sur l'ambulance. La Côte d'Ivoire est touchée. Le linceul des dieux, tu n'en connaîtras pas la couleur. Non. Le linceul des dieux, tu n'en connaîtras pas la douleur. Non. Tu n'aurais pas dû récolter la tempête. Toi qui n'as jamais semé le vent. Beau temps et la paix pour tes enfants.